si tu pars, il est temps que tu te réveilles. Trois hommes de ce vivant, il est temps que tu te réveilles. Voilà 20 ans que tu sommeilles, voilà 20 ans qu'à tes oreilles, l'égalité pleure et gémit. Trois hommes, lève-toi le jour lit, et vive la commune, bon Dieu, et vive la commune. La commune, bon Dieu, et vive la commune. Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raillait ta misère. Bonhomme, n'entends-tu pas, le bourgeois raillait ta misère. Il dit que ton sang dégénère, que la race autrefois si fière se court aujourd'hui sous la peur. Bonhomme, bonhomme, qu'as-tu fait de ton cœur? Et vive la commune, bon Dieu. Sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre? Bonhomme, ne sais-tu pas qu'à toi seul appartient la terre? Sans être écrit.